de mon conduit dans les rues de Paris. 13 chemin des Lilas, près du palais des joies. Mais surtout à la porte d'une fille qui s'appelle Sarah, qui habite seule en face de chez moi. Ah, je sais juste qu'elle est italienne et qu'elle rentre chaque été à Sienne. Et qu'elle est belle comme un ciel et que ses cheveux sont noirs. Sarah, nanana, nanana, nanana, Sarah, nanana, nanana, nanana. Pour la croiser, j'attends qu'elle sorte pour l'imiter, changer quelques mots dans l'escalier, lui sourire, échanger quelques rires. Souvent je croise son regard, parfois même elle m'invite le soir si j'en ai envie et si je la suis. Un jour même je l'ai embrassée, mais nous avions bu pour pouvoir le masquer. Et je n'ose pas, non, lui demander pourquoi. Sarah, fois, oui, elle me raconte que les hommes sont cons et qu'ils lui font honte. Peut-être me trouve-t-elle un peu moins con que les autres. Souvent je l'entends chanter à travers les murs de papier brisé des refrains en italien, beaux comme les matins qui font Nelson Gliocci, tu hai dei netroi mei. Ne basta pas correre d'oggi, hai capito, ci sei. C'è cosa cerchi tu da me, c'è cosa vuoi di più da me. Vuoi che graffi o cuore,